d'ici, je t'en prie. Je t'en prie, partons vite. Les choses ne sont pas si simples. Tu deviens une grande fille et bientôt tu comprendras que la vie n'a rien à compte de fées. Le monde n'est que cruauté. Et il faudra bien que tu le saches. Eh, pédophile, contre un de l'Ave Marie. Puisqu'on pardonne les pédophiles contre un Ave Marie. Puis Cendrillon, et de ses embryons qui s'étend sans briller pour s'embiller. Elle baisse et son rayon fixé dans cendrier. Lui au départ de Paris, que la Figueras t'a cru que le monde n'aurait pas Paris. Que la Figueras, mais naïve rêvant de robe. Ivre de baratin, elle n'arrivera en Europe que pour vivre le baratin. Vendu au plafond par les triples. Trois petits cochons sont pendus au plafond par les triples. S'agacent et parlent aux sourds, n'écoute pas ces marmots saouls. Ils parleront de la bac, la base c'est pas ces parmes sous. Raconte-lui l'opéra, raconte pour chanter à l'Ira. Ou mieux que l'on paiera ce que les bouches ont pris à l'Irak. Dans cette histoire, y'a autant de sang que de sang qu'à dépiter. Sur un tapis de sang, de sang pas dépiter. Sur qu'un hiver en France ou printemps arabe du trône. Vous verriez nos larmes, ces bêtes pas les bombes. On s'est crié bisous fonce empreinte en la rame du trou. On s'est dit ces derniers mots là c'est peut-être pas les bons. Fuis car m'a-t-il poussé ce mar. Puis peut-il pousser ce mal. Lui c'est des cailloux de crack que le petit pousse et se mar. Ce sont de belles et douces fables et à 22 secondes. Je te rappelle que tout se fane à la fin de seconde. C'est que la foi de trop mais foi de trop mais s'il était une foire c'est ce que la foi te promet. Foi te promet. Je paraîtrais conduit dans l'histoire. Tu dans l'histoire. Je m'arrêterai où tu tends l'histoire. S'il était une foire c'est que la foi de trop mais foi de trop mais s'il était une foire c'est ce que la foi te promet. Foi te promet. Je paraîtrais conduit dans l'histoire. Tu dans l'histoire. Je m'arrêterai où tu tends l'histoire. Avant que la drogue ne l'emporte, avant qu'on ne ferme la planche, avant qu'il ne croque à la pomme, avant la neige la blanche. Puis ces 10 ans, l'enfance trouée, les ailes brisées, grisant, la chance nouée, grisée, 10 ans, la France nouée. Il voulait rejoindre Alice, car plus rien ne l'émerveille. Il smoke son joint gras crispé au pays des mères tristes. Tout plaqué, ça le gratouille. L'insolence tient le volant, puisa dans la violence et ne trouva que ça de gratuit. La poussette dans le panneau rapide, ultra dévarié. La poussière sur le piano, de la piste dans le Stradivarius. Un père trop détestable, une mère sans piédestal. Ou quand celle qui t'aimait stable, MST et t'aimait. LSD, des rêves d'espace. Seule la haine est stable. LSD, bête de trace. C'est l'âme qui paye, n'est-ce pas? La serein loin de la mer, du bis du bord de ce milieu. La serein dans la veine en guise de pote de milieu. Habillé comme un billet neuf à nager entre avis et code. Avril, la vie est un long fleuve trempe. La vie est conne, on connaît déjà le tarot. C'est pas depuis hier qu'il zappe le jour, il était une fois le garrot. La petite cuillère, la salle de shoot, c'est courir en souffrant. Marre des souvenirs de ce monde. Il va donc sourire en mourant, ouais le comble. Et c'est tout le drame de ce conte, ouais bah c'est conte. Se souviendra de ce conte, de ce conte. Merde. C'est que la foi de trop mais foi de trop mais s'il était une foire c'est ce que la foi te promet. Foi te promet. Je paraîtrais conduit dans l'histoire. Tu dans l'histoire. Je m'arrêterai où tu tends l'histoire. S'il était une foire c'est que la foi de trop mais foi de trop mais s'il était une foire c'est ce que la foi te promet. Foi te promet. Je paraîtrais conduit dans l'histoire. Tu dans l'histoire. Je m'arrêterai où tu tends l'histoire.